s'arrêtera. Les tombes bien gonflées, ouais, en secret, ouais. Des envies à lâcher, ouais, en secret, ouais. Des projets enfoncés, ouais, en secret, ouais. Des histoires à dormir debout, ouais, en secret, ouais. Des amis à dater, ouais, en secret, ouais. Les tombes bien gonflées, ouais, en secret.